donc sont assez anciennes. Effectivement, on ne pourra pas dire si c'est des abeilles identiques en termes de mode de vie, comportement à celles qu'on a aujourd'hui. C'est un animal qui est fossilisé dans l'ambre, on le voit extérieurement, donc effectivement il ressemble à un hyménoptère, c'est le groupe des abeilles. On sait que ça ressemble à une abeille, mais on ne peut pas effectivement faire d'a priori sur quel type de système de vie ou d'organisation sociale cet animal avait. Nous avons eu un aperçu de l'intelligence collective des abeilles avec vous, mais ces insectes ont également des capacités cognitives individuelles absolument remarquables. C'est ce que nous allons voir dans un instant avec notre invité Martin Jurfa, du vent dans les synapses et dans les ruches cet après-midi sur France Inter. Bienvenue chez Mielex. En bonnes petites abeilles que vous êtes, vous avez travaillé dur. La fabrication du miel débute lorsque nos vaillants Apollon du pollen rapportent le nectar à la ruche, où notre formule secrète sera automatiquement corrigée au fur et à mesure du processus de fabrication, tant au niveau de la couleur que des bulles d'air, jusqu'à obtention de ce succulent sirop au reflet d'or liquide connu sous le nom de... Miel! Et vous serez heureux d'apprendre que depuis 27 millions d'années que notre espèce existe, aucune abeille n'a pris un seul jour de vacances. Ouh! Mais vous croyez pas que vous allez nous tuer à la tâche? On va essayer en tout cas. Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, bzz, bzz, bzz, bzz. Les abeilles se posant par cent et par mille sur les fleurs qui s'ouvrent à peine. Elles butinent leur pistil pour en extraire le pollen. Les abeilles, ces gentilles petites bestioles, fabriquent d'abord de la cire. Elles y font des alvéoles, doux petits nids pour bien dormir. Les abeilles, mégare à celui qui s'égare. Au milieu d'elle par hasard, il aura beau s'enfuir dardard, il sera piqué par le dard. Vache d'abeille, si tous les hommes ici-bas devaient mourir à ce moment-là, j'en connais plus d'un, croyez-moi, qui y regarderait à deux fois. Zzz, zzz, zzz, zzz. À d'autres. Heureusement que c'est pas demain la veille que les femmes deviendront abeilles. Dans ce cas je dors sur mes deux oreilles et je dis miel aux petites abeilles. Pensez bien quand je suis avec ma fiancée, je me fiche pas mal des abeilles. Les abeilles. Je me demande un peu. Enfin. Allez, à la ruche. À la ruche. C'était Bourville, bien sûr, qui chantait Les abeilles. France Inter. Du vent dans les synapses. La voûte de branches parsemées de fleurs résonne du vol rapide et sûr des abeilles géantes. Après une heure, le sentier plonge dans le vide d'une vallée profonde. Dans la vallée, sept gourous ou pérengués sont renommés pour leur vigueur et leur courage dans la lutte pour la récolte du miel. Au pied de la falaise, un feu de brindilles et d'herbes sèches est allumé. La fumée s'élève lentement. Des milliers d'abeilles attaquent toute forme de vie qui se trouve à proximité. Cette nuit, les esprits se sont adressés à Bolokhesher. Recouvert de sacs en plastique, de tissus, chacun lutte pour survivre à cette première attaque. Pelotonnés autour du feu pour se protéger des dards, nous nous perdons dans la fumée pour éviter les nombreuses piqûres. Pieds et mains nus sur l'échelle de bambou, le perengue manie à bout de bras les longues perches suspendues entre ciel et terre. Les ordres fusent, le panier descend, se vide, remonte, reçoit une nouvelle masse gonflée de liquide doré. Les hommes dégoulinent de miel comme s'il en pleuvait. Périlleuse récolte de miel produit par une abeille géante, racontée par Éric Tourneret. Nous étions au Népal. Notre invité, Martin Jurfa, est l'un des co-auteurs d'un ouvrage intitulé « Abeilles, une histoire intime avec l'humanité ». Le lien entre les hommes et les abeilles se retrouve dans beaucoup de cultures et à toutes les époques, Martin Jurfa. Exactement, depuis le néolithique, effectivement, on a des connaissances par rapport à cette coexistence entre hommes et abeilles qui montrent jusqu'à quel point cette association est de longue durée. C'est-à-dire qu'on retrouve des vestiges qui montrent l'intérêt des chasseurs-cueilleurs. Alors, pour la cire d'abeille, on en est sûr, parce qu'on en retrouve au fond de poteries qui datent de moins 40 000 ans. C'est ça. Ouais. Effectivement. C'est une histoire ancienne. Vous voyez, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que l'abeille serait une sorte, je dirais, de miroir dans lequel peut se refléter l'humanité. C'est-à-dire, elle va refléter quel est le type de relation que nous avons entamé ou établi avec elle. Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, le miroir va refléter une image forcément positive. Parce que il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on est en train de faire par rapport à l'environnement dans lequel elle vit et comment on la traite. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr. De quand date la domestication des abeilles par l'homme? C'est difficile de répondre à cette question, mais parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a eu des traces de cire à partir du néolithique, mais on pourrait se situer dans un cadre de situation comme celle que vous avez décrit de l'ami Éric Tourneret, que je connais bien d'ailleurs, où il n'y a pas de domestication. C'est des chasseurs-cueilleurs qui montent sur les falaises. C'est des abeilles extrêmement agressives, les abeilles géantes de l'Asie. Et là, il n'y a pas de domestication. On va simplement, quelque part, essayer de tirer des produits de la ruche. Cet animal, quoi qu'il en soit, a une image très positive dans l'imaginaire des humains. Ça se vérifie dans toutes les cultures. Dans toutes les cultures. C'est absolument assez étonnant. Parce qu'effectivement, l'abeille est considérée comme un élément de travail, comme une culture de travail. Effectivement, l'abeille butine. Et surtout, c'est un travail qui n'est pas individuel, mais c'est un travail pour la société. Je pense que ces aspects-là sont extrêmement importants pour avoir cette image d'exemple, parce que c'est ce qu'on voudrait tous, quelque part, nous, membres d'une société. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'abeille est devenue un modèle, comme on dit en science, c'est-à-dire un objet d'étude en soi, pour comprendre beaucoup de questions ou répondre à beaucoup de questions dans différentes disciplines. Que ce soit au niveau de l'environnement, par exemple au niveau d'écotoxicologie, pratiques agricoles, etc. Ou que ce soit par exemple en neurosciences pures et dures, où par exemple on va exploiter leur capacité d'apprendre et mémoriser pour comprendre comment s'organise cette capacité d'apprentissage au niveau du cerveau. C'est vrai qu'elles ont une capacité à apprendre assez phénoménale, notamment leur système de navigation, la façon dont elles s'orientent dans l'espace. Là-dessus, il y a des recherches très intéressantes qui sont menées. Absolument, elles sont fabuleuses, et surtout qu'il y a cette caractéristique assez unique par rapport à beaucoup d'insectes, c'est que l'abeille doit constamment, contrairement à d'autres insectes, revenir à une place fixe dans l'espace, qui est la ruche. Donc elle doit faire plusieurs kilomètres, il faut imaginer ce que ceci représente pour la taille d'une petite abeille, et ne pas se perdre et revenir toujours à la ruche. Alors comment font-elles? Donc elles ont plusieurs types de boussoles qu'elles utilisent. Il y a évidemment des boussoles solaires, donc elles se repèrent par rapport à la position du soleil. Elles ont aussi des marques de terrain, des repères particuliers qu'elles vont mémoriser. Elles peuvent aussi utiliser la lumière polarisée qui se trouve dans le ciel, invisible à nos yeux, mais visible pour leur système visuel. C'est-à-dire que si le soleil est masqué par les nuages, elles ont encore la possibilité d'estimer la position du soleil grâce à la polarisation de la lumière. Puisque cette polarisation de la lumière est relative à la position du soleil. Ouais. Exactement. Elles ont une capacité à estimer les distances. Comment font-elles? Elles utilisent ce qu'on appelle le flux optique. Ça veut dire que quand vous marchez, par exemple, vous voyez défiler les objets dans votre champ visuel. Et donc, elles utilisent ce défilé d'images lors de leur vol vers la source alimentaire. Elles vont se dire, donc, pour aller vers cet endroit-là, je dois voir donc une certaine quantité de flux optique passer et je m'arrête

n'est pas belle. Parce qu'effectivement, on est en train d'assister à cette disparition massive de colonies. Elle ne s'explique pas par un seul facteur, mais il y a une multiplicité de facteurs dont nous sommes responsables qui convergent pour arriver à ce résultat. Donc, il y a d'un côté les pesticides. Et le problème des pesticides, c'est que donc la France fait bonne route en essayant d'interdire ou en interdisant spécifiquement. Le problème, c'est que quand on arrive à interdire X ou Y, il y a Z qui vient par derrière. Donc, c'est une bataille qu'il faut donner. Personnellement, moi, je suis très impliqué. Ce que je dis m'engage personnellement, évidemment, on n'engage pas mon laboratoire, etc., mais c'est une position personnelle. Je suis absolument contre cette utilisation et je prêche ou je suis absolument pour des pratiques environnementales responsables. Ouais. Je disais, il y a les pesticides d'un côté, mais il y a des maladies qui ont voyagé par la globalisation et l'ouverture, par exemple. Il y a l'arrivée de nouveaux prédateurs, comme les frelons asiatiques. Et tous ces facteurs convergent et se potentient, comme l'ont montré déjà plusieurs chercheurs, y compris en France, donc comme Cédric Allot à l'INRA, qui ont montré, par exemple, que ces facteurs convergent et vont donc avoir un effet beaucoup plus important que si on les additionne tout seul, quelque part. C'est-à-dire l'effet attendu de cette addition de chaque facteur tout seul. Non, on a plus que ça quand ils convergent. Est-ce que l'on observe une disparition des abeilles partout dans le monde, ou il y a des régions plus touchées que d'autres? Je pense que c'est plutôt les régions plus industrielles qui sont particulièrement touchées. Donc effectivement, on peut aller dans des endroits où il n'y a pas de culture agricole intensive ou monoculture, etc. On va voir moins ceci parce qu'on aura aussi moins de pesticides. Ça, c'est un autre problème. Quelles sont les pratiques agricoles que nous appliquons? Et je ne parle pas maintenant des pesticides, mais de la biodiversité. Effectivement, si nous supprimons la biodiversité parce qu'on ne fait que des champs et des champs, des kilomètres de monoculture, culture, ce n'est pas bon pour les abeilles, comme ça serait pas bon pour vous de manger toujours la même chose. Donc, et de supprimer toutes les entrées de vitamines, etc., qui viendraient avec. On présente souvent la disparition des abeilles comme une catastrophe qui entraînerait assez rapidement notre disparition à nous. Quelle serait effectivement la disparition des abeilles? C'est difficile à prédire, mais déjà toute disparition d'une abeille ou de n'importe quel autre organisme est dramatique. Donc, il faut un changement de pratique, il faut un changement d'attitude. Moi, je suis un neuroscientifique, si vous voulez. Dans un premier temps, et il y a quelques années, j'avoue que j'étais loin de ces préoccupations. Mais travaillant avec ces abeilles, et comme ces abeilles sont une fenêtre au monde, un reflet, comme je dis, de ce que nous sommes, je ne peux que devenir conscient par rapport à ce qui est en train de se passer autour de nous, et avoir une position très très claire et très engagée par rapport à cette problématique. Merci Martin Jurfa. Je rappelle le titre de votre ouvrage auquel vous avez participé. Il y a beaucoup de co-auteurs. Il a été rédigé sous la direction de Martine Régerte, avec une préface de notre ami Jean-Claude Amezen, publié chez CNRS Éditions et Cherche Midi. Abeille, une histoire intime avec l'humanité. Un grand merci à vous. Un grand merci à vous. Que savent les scientifiques du coronavirus apparu dans la ville de Wuhan, en Chine? Comment pourrait évoluer la situation? On fait le point dans un instant avec Mathieu Novak et Sophie Becherel. thing I needed was reason to be cautious. If I call it like I see it, then I would say I'm starting to become a decent human being without losing my monster. I started at the beginning. All that matters is the common ground that we live in and getting this bread like the pod pigeon. How far to go, I never paid attention. When I with you, I can't complete any big or small mission. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you leave me blue, you come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to plead to get them all out the room. But then there were two. Then there were two, c'était Mark Ronson et Anderson .Paak. Du vent dans les synapses, Daniel Fievé. Une large place de la revue d'actu de la semaine sera consacrée au coronavirus et à la course contre la montre engagée par les scientifiques. Autour de la table pour en parler, Sophie Bécherel de France Inter et Mathieu Novak de Science et Avenir. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Les habitants de la ville de Wuhan, en Chine, mis en quarantaine suite à l'émergence du coronavirus. Alors les habitants confinés chez eux chantent à leurs fenêtres et s'interpellent pour se donner du courage. Avant-hier, jeudi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que l'épidémie constituait une urgence de santé publique de portée internationale. À ce jour, la Chine surtout est concernée, mais déjà des cas ont été recensés un peu partout dans le monde. On le suit au fil de l'actualité. Sophie Bécherel, qu'est-ce que l'on sait exactement de ce virus actuellement ? Alors c'est un coronavirus, ce qui signifie qu'il a une forme de couronne. Et dans cette famille, certains infectent les animaux, d'autres les hommes. Certains sont bénins, d'autres agressifs. Et c'est en 2002 avec le SRAS qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir justement des coronavirus extrêmement agressifs. Puisque alors qu'un virus peut toucher tout le monde et finalement n'avoir une atteinte sévère qu'auprès des personnes immunodéprimées ou des très jeunes enfants, eh bien là, avec cette épidémie du SRAS, des individus en bonne santé sont morts. À l'époque, rappelons 9000 personnes contaminées et 800 morts. Il y a un autre coronavirus qu'on a découvert en 2012, qui est passé d'ailleurs du dromadaire à l'homme en Arabie, sans qu'on sache pourquoi. Et donc aujourd'hui, ce 2019-nCoV qui est apparu à Wuhan, dans cette ville du centre de la Chine. Alors, on ne sait pas en fait quelle espèce animale a contaminé les humains. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'a priori, il y a un ancêtre commun qui serait la chauve-souris, mais entre la chauve-souris et puis nous les hommes, il y aurait un animal intermédiaire. Et on a toujours pas trouvé lequel. On suspecte en tout cas que cet animal se trouvait dans le marché de la ville parce que les premiers cas contaminés avaient tous ce point commun qu'ils avaient travaillé dans le marché. Mais il y a pas de certitude à 100%. Il y a encore une incertitude là-dessus, hein, Mathieu Novak. C'était effectivement la première hypothèse, parce que le 1er janvier, on a vu que les premiers cas venaient tous de vendeurs de ce marché. Alors, c'est un marché aux poissons, mais on trouve aussi divers animaux. Et ce marché a été fermé, mais aujourd'hui, il y a un doute, parce qu'on se rend compte, en remontant les choses, que les tout premiers cas, peut-être, sont antérieurs encore aux cas de ce marché. Et donc, il aurait pu avoir une origine différente. Peut-être que le marché est en fait une infection secondaire. Ça reste obscur pour le moment. En tout cas, aujourd'hui, ce virus, il est bien adapté à l'homme. Il a plus besoin de sources animales pour se développer et du coup il y a cette transmission entre les hommes. Alors ce qu'on en sait aussi, c'est pas mal de choses parce que les Chinois ont séquencé ce virus et contrairement à l'épisode du SRAS, ils ont tout de suite partagé cette information avec d'autres centres de virologie. Donc ça veut dire qu'on a le génome du virus. Exactement. Et ce séquençage a d'ailleurs été renouvelé par l'Institut Pasteur à partir des cas qui sont arrivés en France. Plus intéressant encore, l'Institut Pasteur a isolé ce virus. Ça veut dire qu'on a réussi à partir des cellules qu'il avait infectées, si vous voulez, à l'extraire et à le multiplier. Donc maintenant, on sait à quoi il ressemble. Et ça vient tout juste d'être annoncé. Exactement. Mais alors, c'est dans cet ordre-là. On a d'abord séquencé le génome et ensuite réussi à l'isoler. Tout à fait. Et pourquoi c'est intéressant ? Parce que à partir de ces deux informations, on va pouvoir développer un vaccin. C'est d'ailleurs ce qui a commencé. L'Institut Pasteur a annoncé hier avoir trois vaccins en phase 1 qui vont sûrement déboucher sur un essai clinique. Alors évidemment, il faudra 8 mois avant ce premier essai clinique. Et ils disent un vrai produit, un vrai vaccin pour se prémunir de ce virus d'ici 20 mois. D'ici là, sauf d'ailleurs s'ils sont doublés par d'autres laboratoires, parce que partout un peu dans le monde, on y travaille, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Chine, bien bien sûr, en Russie. Et certains laboratoires ont même annoncé des délais étonnamment courts. Hein, certains oui, mais c'est vrai qu'il faut se souvenir que pour Zika, par exemple, en 7 mois, il y a eu un vaccin mis au point. Donc il se peut que, encore une fois, le délai de 20 mois qui est aujourd'hui annoncé par l'Institut Pasteur soit raccourci. Mathieu Novak. Mais il faut se rappeler que le SRAS ou le MERS, à ce jour, on n'a pas de vaccin non plus. Donc c'est des virus qui peuvent disparaître d'eux-mêmes et on est sur une temporalité là pour le virus qui n'est pas celle de la dynamique de l'épidémie. Là, on voit chaque jour, on a une nouvelle annonce, on suit les choses et le virus, le vaccin, on est sur plusieurs mois. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus d'ailleurs ces virus, le SRAS, le MERS, qui nous ont inquiétés, qui ont aussi un peu déclenché un vent de panique? Aujourd'hui, ils ont complètement disparu? Alors ils ont disparu naturellement, sans doute ils existent toujours, on n'est pas du tout à l'abri. D'ailleurs, le MERS est réapparu cette année, enfin fin 2019. Ils peuvent réapparaître, parce que comme le disait Sophie tout à l'heure, on a le réservoir naturel de la chauve-souris, qui est un animal qui héberge beaucoup de ce type de virus et qui ne tombe pas malade. Et après, par un autre animal, généralement, ça peut repasser à l'homme. Les coronavirus, de façon générale, parce qu'il y en a beaucoup, on est très souvent infecté en hiver, ça donne un rhume, une gastro par des coronavirus, c'est des virus qui sont saisonniers. Mmh. Donc, pour répondre à votre question, les deux premiers grandes craintes qu'on a eues avec les premiers coronavirus, le SRAS et le MERS, ils ont finalement réussi à disparaître tout seuls, grâce à des mesures de confinement, essentiellement. Et Mathieu, qu'est-ce qu'il reste à comprendre, à savoir sur ce coronavirus qui nous occupe aujourd'hui? On commence à avoir une bonne idée générale de ce à quoi il ressemble, mais il y a quand même beaucoup de questions, et notamment de questions de comment il infecte l'humain, qui sont encore très très débattues. Par exemple, comment ça se transmet? Ça se transmet par des petites gouttelettes, mais plus ou moins grosses. Alors les toutes petites, on appelle ça des aérosols, et les plus grosses, c'est des plus grosses gouttelettes. Donc c'est des gouttelettes qu'on émet quand on tousse ou quand on éternue. Savoir quel type de transmission, ça va être nécessaire pour savoir quel type de protection il faut mettre, quel type de masque il faut mettre. Donc là, c'est pas encore très clair. Après, il y a une question très très importante pour la dynamique de l'épidémie, c'est ce que les chercheurs appellent le R0. Le R0, c'est le nombre de personnes que va infecter un individu malade. S'il en infecte juste une personne, l'épidémie reste constante. Si c'est moins de 1, elle va s'éteindre toute seule. Et si c'est une maladie très contagieuse, donc on sera au-dessus de 1, là, ça peut être... L'exemple extrême, c'est la rougeole, c'est entre 12 et 15 personnes. C'est pour ça qu'on dit que c'est une maladie extrêmement contagieuse. Là, les premières évaluations, c'est entre... Il y a plusieurs études, mais entre 1,5 et 5,5. Ça veut dire que une personne va en moyenne contaminer entre une personne et demie et 5-6 personnes. Et ça change tout. Ça change tout. Si on est à 1,5 de personnes, une personne en moyenne et demie contaminée par malade, ou si à chaque fois qu'une personne est atteinte, elle en contamine 5 autres, ça va se propager. La dynamique est très très différente et il peut y avoir aussi quelques individus qui, pour une raison inconnue, on voit ça, on appelle ça en anglais les super spreaders, qui contamine énormément de personnes sans qu'on la sache pourquoi. Alors, il y a un autre facteur qui peut énormément changer la dynamique, c'est la durée d'incubation. Alors, on pensait au début qu'elle était entre 1 et 14 jours, on a l'air de s'orienter là, d'après les derniers résultats, sur 5 jours. Mais il y a un autre problème, c'est qu'il semblerait qu'on puisse transmettre la maladie avant de déclarer les symptômes, donc durant cette période de contamination. Alors là, ça change tout, parce que les méthodes d'isolement, ça marche bien si vous isolez les gens quand ils commencent à devenir contagieux. Mais s'ils sont contagieux avant que vous les isoliez, la maladie continue de progresser. Donc là aussi, il faut qu'on continue. Sophie. Et dans les inconnus, il y a le fait que très peu d'enfants sont statistiquement touchés. On ne sait pas non plus pourquoi. Ouais. Plus de personnes âgées, alors? Alors oui, ça, c'est les premiers résultats. A priori, c'est surtout des gens de plus de 60 ans qui ont, pour la plupart, des maladies chroniques par ailleurs. Mais il y a une étude qui est tombée là hier et qui sur la centaine de premiers cas en Chine qui dit que l'âge moyen des décès sur les 99 premiers malades est de 55,5 ans. Alors ça, c'est très troublant, parce que pour avoir une moyenne à 55 ans, ça veut dire qu'il y aurait quand même des cas jeunes, sans doute fragiles, mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Les étrangers exfiltrent leurs ressortissants, les mettent en quarantaine, 14 jours, hein, alors 14 jours, parce que justement, on ne sait pas exactement combien de temps dure l'incubation. Ces mesures sont-elles adaptées, ou est-ce qu'on en fait trop ou pas assez? Pour le moment, on a une seule solution, c'est de confiner les gens, en espérant qu'ils n'ont pas transmis la maladie avant. Tant qu'on n'a pas de traitement, il n'y a pas de traitement, c'est bien ça qu'il faut voir. On va tester les antiviraux, mais les antiviraux, il faut les donner au tout début. Donc c'est vraiment la méthode, si on veut que l'épidémie s'éteigne d'elle-même, c'est la seule méthode. Avec les données dont on dispose, quels scénarios sont envisageables pour la suite? Comme on le disait tout à l'heure, si le R0, donc le nombre de personnes qui sont infectées par un seul malade, est faible, l'épidémie peut s'éteindre toute seule, surtout que c'est une épidémie, a priori, d'un virus saisonnier. Mais sinon, on peut être aussi... Ce qu'on redoute, c'est que l'épidémie s'étende très vite, que le virus mute et devienne plus mortel. Et là, on se souvient que si on part sur un scénario de type grippe espagnole, c'est des dizaines de millions de morts. Ce qui change considérablement au XXIe siècle, c'est quand même le nombre de voyages. village d'échange. La Terre est devenue un village. Et vous voyez bien que là, il y a énormément de pays qui, simultanément, voient arriver leur premier cas. Pour terminer, sur ce sujet, est-ce que les médias, les autorités en font trop? Est-ce qu'on cède à la panique ou pas? On a eu quoi? On a eu 10 000 cas et 200 morts en le premier mois. Alors pendant ce temps-là, on sait que la grippe, tous les ans, elle fait 10 000 morts par an en France, entre 300 et 650 000 la grippe saisonnière. Donc effectivement, on peut se dire, bon là, c'est la panique, on stigmatise un pays. Mais le risque, c'est que on a connu déjà des grandes pandémies de par le passé. On sait que ça réapparaîtra parce que c'est une maladie nouvelle, c'est-à-dire une maladie pour laquelle personne n'a de défense. C'est ça dont on a peur. Sophie. Et surtout, l'OMS a un peu contribué à cet effet panique en déclarant que c'était effectivement mondial. Mais elle s'est appuyée, pour dire cela, sur le fait que certains pays ont un système de santé beaucoup moins développé et des moyens de lutte qui sont bien inférieurs. Et si la pandémie devenait mondiale, c'est pas encore, on n'utilise pas encore ce mot-là, hein, pandémie, mais si elle le devenait, les pays riches ou en capacité d'aider les autres, comme ça a été le cas par exemple pour Ebola, seraient évidemment beaucoup moins armés pour faire face à une épidémie chez eux et à aider aussi d'autres continent. Alors on reste vigilant et si nécessaire on reviendra sur le sujet bien sûr. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, Sophie, une collision évitée de peu en orbite. À ma droite, un télescope vieux de 37 ans. À ma gauche, un satellite expérimental américain de 53 ans. Les deux hors service et qui errent dans l'espace. Et effectivement, mercredi, on a frôlé le crash, selon l'armée américaine. Chaque engin volait sur une orbite opposée à 54 000 km par heure. On avait même calculé le point de collision. Et d'ailleurs, il s'est trouvé des gens pour observer au-dessus de Pittsburgh à 23h30 s'il n'y aurait pas un flash lumineux. Eh bien non, à l'heure dites, il ne s'est rien passé, ouf, le danger était passé, pas de pluie de débris, car vous le savez, c'est ça, la crainte numéro une, c'est que des milliers de petits morceaux, trop petits d'ailleurs, pour pouvoir être attirés par la gravité terrestre et donc revenir chez nous, et pour être surtout détectés, se baladent dans l'espace, constituant un danger délétère pour des satellites actifs. Aujourd'hui, ces tout petits morceaux inférieurs à 10 cm, on ne les catalogue pas très bien, on ne sait pas très bien où ils sont. Et à 900 km d'altitude où aurait pu se produire la collision, il y a beaucoup de satellites dont nous dépendons aujourd'hui, vous le savez, pour la météo, pour les communications, pour le guidage. En tout cas, le drame a été évité. Mathieu Novak, on vient d'obtenir la première estimation de la pêche illégale dans l'océan Austral grâce à des oiseaux. Oui, grâce à des albatros, des chercheurs du centre d'études biologiques de Chizé en Nouvelle-Aquitaine qu'on doit ça. Ils ont révélé qu'un tiers des bateaux de pêche dans l'océan Austral seraient là de façon illégale. Alors comment ils sont servis des oiseaux? Cet oiseau emblématique de la région peut parcourir jusqu'à 20 000 km en 3 jours. Ça en fait un sérieux allié pour nous pour explorer un territoire vaste de 47 millions de kilomètres carrés. En plus, autre avantage, c'est que c'est un animal curieux. Il aime bien s'approcher des bateaux, souvent attirés par les appâts pour la pêche. D'où l'idée des chercheurs, si on leur mettait des petits détecteurs pour essayer de trouver ces bateaux qui font de la pêche illégale. Alors comment on différencie un bateau qui fait de la pêche illégale? Ils ont normalement un bateau de pêche, doit émettre en permanence un signal qui dit qui il est. Ceux qui ont quelque chose à se reprocher ont tendance à couper ce signal, mais ils conservent un signal radar pour éviter les collisions entre deux bateaux. Et ce signal radar, là, lui, est capté par les albatros, qui par un système d'émission envoient les infos directement chez les chercheurs qui voient en temps réel là où il y a un signal radar mais pas d'identification. Les gens sont sans doute là de façon illégale. À la une de Sciences et Avenir, Mathieu Novak. Les dernières recherches sur le mal de dos et les façons de le soigner. Ah oui, ça peut être bien utile. Merci à tous les deux, Mathieu Novak et Sophie Bécherel, et à très bientôt. Dans une poignée de minutes, nous aurons le plaisir de recevoir le paléo-anthropologue Pascal Pic. Avec lui, nous allons revenir sur la grande histoire de l'humanité et nous allons nous intéresser au futur de notre espèce. Je vis à l'heure dans le cœur d'une montre arrêtée. Le temps s'est envolé, a cessé de couler. Les jours passent comme de l'eau à mes pieds immobiles. De grandes roues dentelées semblent me regarder. L'amour suit son cours et le cours de ce jour. Et le maître a dit aimer. La rivière chante quand je chante, la nuit va s'allonger au fond de la vallée où le jour l'a quittée.